Jericho, papa. Montagne la crasé, puis à très géant, ça finit, oui. Papa, ou frère, ou cousin, cousine. Tout est drôle, ça, non, ça va le faire. Son mariage civil enterré, verbal, ouais. Yé, yé. Quoi tu es comme mon nom, ouais. Mes femmes, ça va le marier. Son femme qui gomme 14 à 15 ans. Depuis coquin, non, c'est son cas, maman. Pour si on même calde coquin, ratier, fait ça. Ben, faire, non, mon nom, quoi le mariage. Mais c'est malhonnête, yé, yé. Wap tu es comme on a oué. A la bagay qui dit, c'est l'on nom marié à confie. Ou à l'an travail, ou quitte madame ou la caillou en bon ordre. Soit disant, pour voisinage, voyez les yeux pour. Et puis ce voisinage, après moi, j'en sais des combinaisons louches pour livrer madame ou à la crier public. Mais c'est malhonnête, yé yé. Wap tu es comme on a oué. Bon, regardez ça arrivé ou. Gardez vos recherches dans le travail ou pour venir faire constat, madame, sur route de l'ambi, non vieux décapotable, à pied non vieux pieds en main, avec trois vagabonds sans asile, mon cap marché fait des arrois, des avis, yé yé. Quoi tu es comme un an, ouais. Bon, nous allons lancer, nous allons lancer. Gardez non, mesdames, mesdames, ça y est là. Ou te connaît très bien. Comme madame vient chercher pour mener on vient danser select. Si t'es comme bail contingent pas contingent bagaille toi choy ou te fait pour expliquer toute bagaille avant te déplacer avec lui parce que quand madame saute la caille il connaît la vient chercher la caillou son question de fête et fourni oui en question de fête et fourni comprendre donc c'est pas l'arrivée dans bal là comprendre on vient créer problème pour série de bagaille comprendre c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et puis attendez, ça fait arriver, dit camarade là. Oh chérie, chérie, moi don bagay la vie, fâché, non? Il va fâché, non? Monsieur de mes dîmes, dit non, dîmes, soit dit non, non. Même si je senti, mon bagay qui pas normal, senti il pas l'aise. Oh oui chérie, pendant ma place avec quoi, moi mon petit Jean, quand on a dit au monde, 99 plus 1. Aïe aïe aïe. Par la part de la tempête à ma monsieur même. Gardez quoi, vous avez créé problème, mes camarades là. Hein? Bon, en tout cas, passons. Bon. C'est gâté, vous le gâté. Vous n'avez pas rien de sérieux à faire pour lui. C'est gâté, vous le gâté. Pas rien de sérieux. Pas rien de sérieux. Et puis tant de salarié dit comme là. Oh chérie, sous quoi menti? Moi vous êtes là, ouais. Moi vous êtes là, ouais. Sous quoi menti? Bah là, c'est gâté, quoi gâté. Ah, mais qui soit de qu'on fait pour lui comme ça? Qu'est-ce qu'on fait pour lui comme ça? Fais expérience. Pas mal de matin, pas mal de midi, pas mal de soir pour essayer de pas gâter dans mes mains. Pas raison pas faire tout bagage ça yo. Pour être tout petit caoté chargé avec zépine à la donne. C'est pas sérieux. Pas raison pas faire tout bagage ça yo. Et puis qui soit de qu'on fait pour lui comme ça. Son question de trois fois par jour. Trois fois par jour. Oui, trois fois par jour. Trois fois par jour. Trois fois par jour. Trois fois par jour. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. C'est ça seulement, pas quand on comprend. Toi avec vous. Bon, ma foutre sermenté, ma sermenté quand même. Ma foutre sermenté. On m'attend de toute prière, pas jamais le monde. Mais prière pas nourrir ça privé. Ma sermenté. Qui que ça soit comment? Qui que ça soit comment? Que la police bondit. Donnez-moi votre affaire. Ça dépend, bon, tout à fait, ça dépend.